Impact Vital, Impact Vital, Impact Vital. Impact lyrical. Voilà mon projet, impact lyrical. Je ne suis pas un projet, juste l'art musical. Certains trop comme arme radicale. Même en impro, mon flow te désarme et te recale. Ouais, la rime, je l'ai redoutée. Elle m'a dérouté, dégoûté, fait douter. Écoutez, écoutez, douter pour te mesurer à moi. 1m95, il te faudra plusieurs mois. On a voulu m'arrêter, mais mon art était révolu et rareté. Je continue à gratter, c'est raté. J'évolue et je perce ta rate. Le rap guy m'a appelé pour finalement me happer. Dois-je te rappeler que sur moi tu as parlé, mais à parler, reste sur le bord de la touche. Rien ne me touche, rien ne me couche. Donc ferme ta bouche et bouge. Je suis dealer de bon son, mais dealer bon sang. Que la rime est dans mon sang et que je crime sans. Le flow est dans mes veines et quoi qu'il advienne, que mon échéance vienne en représentant l'île et vilaine. Remonter la pente hyper dure, mes valeurs se sont perdues, donc mon son perdure. Le présent me perdure, mais le passé futur, donc à présent je suis tourné vers le futur. MC Phyllis, F-I-L-2-S, F-I-L-2-S. Impact lyrical, impact lyrical. MC Phyllis, freestyle. MC Phyllis, je me nomme. Le beat, je le dégomme. Vos noms dans le rap, je les gomme. Avant de rapper, pauvre code, va sur fouemc.com. Rubrique, mon rap est une blague comme Malcolm. T'es un pan pris pour si mon style, un véritable missile. Avec le chat n'est pas missile. Mon style inaccessible, mon style reste impassible. Devant ta rime invisible, ta chute était prévisible. Rap, un impact lyrical, impact radical. Avec ma rime capitale, reine ma capitale. Je récapitule, MC Phyllis, je m'intitule. Et si je m'étale, je capitule. Faire du hors-piste une habitude. Le rap vient nous manipule. Donc le style, je le manie plus. Et vos flots ne manient plus. Faut que ma rime plus de la street à la rue. Je m'attriste à la vue des vrais artistes disparus. Je fais mon comeback, impact lyrical dans les bacs. L'instru, je la kick à la hongbac. Je débarque des rimes à l'appel. Je réponds à l'appel du rap, c'est franc, tu kiffes. Sois ouais, ouais. En musique, je suis le pion, tu es ma reine. Je suis le bon, tu es dans l'arène. Mais sur mon art, je règne. Je rêve que vos critiques m'atteignent. Mais c'est pas la peine, ma teigne est plus forte que votre haine. Je veux monter sur scène, voir mon nom sur toutes les enseignes, faire mes soins à l'ancienne. Attends là, vas-y, baisse le son, faut qu'on discute là. Hey, écoute-moi bien, t'as voulu la faire à l'envers, a dit que sa mère ou quoi? Vas-y, imposons-nous mon gars, on est là nous. Ouais, tu t'es pris pour qui à squatter l'album là? On s'impose, nous on est meilleurs que toi, t'as voulu nous archifier ou quoi? Hey, arrête de squatter tous les instrus là, impact lyrical c'est à qui? C'est à nous trois ou c'est à toi tout seul?